La chambre close par Maurice Level. Monsieur, dit M. Otto von Schnitzel, en ouvrant toute grande la porte de la maison à l'officier français, qui lui présentait un billet de logement. Cette demeure est la vôtre. Il avait revêtu, pour accueillir le vainqueur, sa redingote de cérémonie. Madame Schnitzel portait sa robe de soie mauve, avec col et poignée de dentelle, qui lui donnait un air de ressemblance avec l'impératrice Augusta. Depuis la veille, il préparait cette réception et en avait fixé les moindres détails. Leur attitude était digne, leur regard modeste. Des fleurs artificielles ornaient les vases en cuivre martelé de Vienne. Le plancher luisait autour des tapis. Le poêle de faïence ronflait. Et comme si les objets eux-mêmes avaient voulu offrir la soumission de leur hommage, la pendule, après avoir sonné sur un ton grave le carillon de Nuremberg, frappa les 12 coups de midi. J'espère et je souhaite, monsieur le capitaine, reprit Otto Schnitzel, après avoir fermé la porte, que vous vous trouverez bien ici. Nous sommes de simples bourgeois. Nous avons nos petites habitudes. Mais si elles doivent, si peu que ce soit, gêner les vôtres, nous sommes prêts à les changer. Votre maison reste votre maison, répondit l'officier. Pourvu que j'y aie une chambre, je n'en demande pas l'avantage. Monsieur Schnitzel l'arrêta d'un geste déférent. Vous pouvez tout exiger, vous nous trouverez prêts, dans la mesure du possible, et même au-delà, à nous incliner devant vos ordres. Permettez que je vous débarrasse. Oserais-je vous offrir en signe de bienvenue un verre de vin du Rhin ? Non, merci. Madame Schnitzel déplora. Monsieur Schnitzel n'insista pas. Il faisait froid. La terre durcie sonnait sous les pas des passants. L'officier jeta un coup d'œil sur la rue. C'est la Siegers Allée. « L'allée de la victoire, comme nous l'appelions autrefois, » dit M. Schnitzel, et il ajouta avec un sourire obligeant. « Vous y aurez vu par les fenêtres de votre chambre, si toutefois vous voulez bien accepter celle que nous vous destinons. Au cas où vous en préféreriez une autre, nous nous ferons un devoir de la mettre à votre disposition. S'il vous plaît, d'y jeter un coup d'œil. » L'officier regarda autour de lui et se déclara entièrement satisfait. « Je vais vous montrer les autres, » poursuivit M. Schnitzel. La maison vous appartient. » Il fit visiter ainsi successivement le salon, la salle à manger, son cabinet de travail, sa propre chambre à coucher, renouvelant son offre dans chaque pièce. « Si celle-ci vous plaît davantage ?» Enfin, il s'arrêta devant une porte close, chercha une clé dans sa poche, l'introduisit dans la serrure et dit d'une voix grave « Ici, la chambre de mon fils. C'est moins grand, ce n'est pas mieux décoré, mais j'ose assurer qu'elle nous est plus chère que tout autre. Notre fils a été tué dans les premiers mois de cette malheureuse guerre. » Madame Schnitzel baissa les yeux. Monsieur Schnitzel prit un temps et conclut. Elle est malgré cela à votre disposition comme les autres. Monsieur, dit l'officier, la chambre que vous m'avez donnée me convient parfaitement. Après 4 années de campagne, un lit quel qu'il soit me suffit. Nous ne venons pas en Allemagne pour troubler le repos des habitants paisibles, mais seulement pour assurer l'exécution des clauses d'armistice. En France, c'est ainsi que nous comprenons l'occupation. « Zo, zo !» murmura M. Schnitzel. Puis, confus d'avoir pensé tout haut dans sa langue, il reprit en français « Je vous ai, monsieur l'officier, une gratitude certaine. Il nous est doux, à ma femme et à moi, de rester quelquefois dans cette chambre, d'y réfléchir. Et puisque vous me permettez d'en conserver la clé, je vous en prie. » L'officier s'installa, et la vie commença tranquille, monotone. Chaque fois qu'il le croisait, M. Schnitzel s'enquérait de ses moindres désirs. « Vous n'avez besoin de rien. Demandez tout ce qui vous plaît. » Quand des soldats passaient, musique en tête, ils regardaient derrière le rideau levé et soupiraient. « Vous avez de belles troupes. » Jamais une parole déplacée ne lui échappait. Il semblait accepter la défaite avec un fatalisme d'oriental. Mieux encore, comme la juste punition d'une faute, dont lui et ses compatriotes portaient la responsabilité. Une ombre d'amertume ne glissait dans sa voix que s'il parlait des privations subies, et de celles qu'il faudrait subir encore. Dans ces moments, il était vraiment pitoyable. Ici, nous vivions jadis dans l'abondance. Maintenant, rien, ou presque. Un peuple habitué à manger à sa faim souffre de se restreindre. Ah, nous payons plus chèrement qu'il n'y paraît, car nous n'apercevons pas la fin de nos misères. Votre ordonnance nous a donné l'autre jour votre boîte de conserve. Nous nous en sommes régalés. Vos soldats sont bien nourris. Je tâche de ne pas trop laisser voir ma tristesse, mais il y a des moments. » Il saluait, prenait dans sa poche la clé de la chambre de son fils et soupirait. « Quand nous avons le cœur trop gros, ma femme et moi, nous allons là. » Une grande tristesse pesait sur la maison. Carlotta, la servante, qui chantait en astiquant ses cuivres, se taisait, le seuil de sa cuisine franchi. M. Schnitzel et sa femme avaient repris leurs vêtements sombres et passaient de longues heures dans la chambre du défunt. Lorsque, par hasard, l'officier les rencontrait au moment où ils allaient y pénétrer, ils se hâtaient de rentrer chez lui pour ne pas troubler leur recueillement. Eux-mêmes s'arrêtaient, avec des regards résignés et un tremblant sourire. Or, un jour qu'il était revenu plus tôt que de coutume, l'officier fut surpris de trouver ouverte la porte, toujours soigneusement fermée. Et comme il tournait machinalement la tête, il vit M. Schnitzel qui en sortait, les mains chargées d'un gros jambon et une bouteille de vin sous chaque bras. « Quelques petites choses que nous avions oubliées, » expliqua le bon bourgeois. Il avait dit cela d'un ton si hésitant que l'officier s'arrêta. Dans le même instant, un courant d'air poussa la porte, et la pièce apparut, ayant pour tout meuble de hautes étagères, où s'alignaient des pots, des boîtes, des terrines, des jambons, des quartiers de lard pendaient au plafond, et des guirlandes de saucisses s'entrecroisaient d'un mur à l'autre. « Tiens, tiens, » sourit l'officier, « vous me disiez que cette chambre était celle de votre fils, et que vous y passiez de longs moments à méditer en compagnie de madame votre épouse. À ce que je vois, je crois comprendre que vos méditations n'étaient pas dénuées d'agrément. » « On est si à l'étroit, » balbutia M. Schnitzel. « On s'arrange comme l'on peut, à la vérité. » « À la vérité, vous craignez de me voir prendre vos provisions, hein ?»« Ma foi, monsieur le capitaine, » avoua M. Schnitzel d'une voix plus assurée, « j'avoue. »« Pouvais-je savoir ? Le vaincu peut tout redouter du vainqueur. Mais si vous le désirez, je fais déménager cette pièce aujourd'hui même. »« Non, non. Chacun honore ses disparus à sa façon. La vôtre n'est pas la mienne. Mais dès l'instant qu'elle vous plaît, et je m'en voudrais d'occuper la chambre d'un garçon mort pour son pays. » « Pardon, monsieur le capitaine, » dit le brave homme tout à fait remis de son émotion, « vous pouvez l'accepter sans arrière-pensée. »« Je vous avais fait un petit mensonge, nous n'avons jamais eu de fils. »« Tant pis, » dit l'officier sèchement, « je préférerais encore la première hypothèse, car je ne crois pas que chez nous, un seul homme, fût-il le plus pauvre des paysans, oserait jouer de la mort pour se remplir le ventre en toute sécurité. » Monsieur Schnitzel le regarda partir sans protester, posa ses bouteilles, ferma la serrure à deux tours et marmottant s'en alla en petits pas. « très gentil, mais ça, c'est des raisonnements pour faire des chansons. » C'était « La chambre close » par Maurice Level.